Chapitre 36e. Décidément, j'étais malade. Puisqu'enfin, il fallait laisser la maison ou partir, je profitais du brave Joao pour voir quelques détails sur les mœurs des monts du Rucus en général, sachant bien qu'elles avaient déjà subi de grandes modifications. Un jour, je m'étais traîné près d'une case d'où j'entendais sortir de petits cris de douleur. Mais on m'avait prié poliment de m'éloigner. J'étais fort curieux de savoir ce qui se passait là. Et j'appris de Joao que dans cette case d'où partaient les cris, on avait construit tout au milieu une cage en bois dans laquelle était enfermée une jeune fille. La cérémonie avait pour objet de marquer son passage de l'adolescence à la jeunesse. Chaque membre de la tribu, après s'être enduit les doigts d'une espèce de glu, lui arrachait quelques cheveux. Joao me dit aussi que parmi les monts du Rucus qui n'ont point encore été instruits dans la religion catholique, quant à lui, il avait le bonheur de l'être, il avait toujours vu avec horreur des usages que le temps n'avait pas encore détruits. Par exemple, il pense que Dieu, le soleil ou un être suprême, après avoir donné la vie, serait injuste de l'ôter. En conséquence, quand un homme meurt, ce ne peut être que par le fait d'un ennemi. La famille se range chez celui qui joue le rôle de prêtre, de docteur, de devin. C'est le piaï ou pagé. Il fait des exorcismes pour évoquer le grand esprit, et finit par désigner, à son choix probablement, la victime qui tombera, n'importe comment, pour venger un mort qu'elle n'aura pas fait et qui peut-être était son ami. Mais le piaï a parlé, il faut obéir. On peut juger de l'importance qu'un pareil homme prend dans une tribu, dont chaque membre voit sa vie menacée pour peu qu'il déplaise à ce pourvoyeur de la mort. Le chef même n'est pas exempt de la loi commune. Cette manie de venger un mort en retranchant de la tribu un autre membre peut-être bien innocent, m'expliquer pourquoi, sur une si grande étendue de terrain, on trouvait si peu d'habitants. On avait fait peu de jours auparavant la provision de curare. J'étais arrivé trop tard. L'ami Joao me fit présent d'une petite panella remplie à moitié de ce poison et me raconta comment on le prépare. Dans toutes les cérémonies, les vieilles femmes jouent le premier rôle. J'ignore si c'est pour leur faire honneur. Je les ai vues danser devant Saint-Benoît. Ici, c'était bien plus important. Elles étaient chargées du soin de fabriquer le curare. Leur vie était condamnée. Elles devaient mourir. Un jour, toute la tribu s'assemble. On entasse autour du foyer des amas de branches et de feuilles sèches. Une vieille ou deux ou trois doivent allumer le feu et l'entretenir pendant 3 jours. Deux perches liées ensemble par le haut sont fichées en terre et du sommet pend, accrochait de fortes lianes une grande panella. Quelques hommes, séparés en 2 troupes, vont couper dans la forêt la liane vénéneuse dont le curare est en partie composé, indépendamment de certains ingrédients que je ne pus connaître, et remplir à la rivière des bases qu'ils apportent solennellement ainsi que les lianes. Ils déposent ces choses dans un cercle que les victimes ne doivent plus quitter tant que durera la fabrication. Ils se jettent tous à terre en chantant à voix basse. Ainsi tomberont ceux qui seront frappés par nos flèches. Et chacun va prendre sa place dans le cercle formé le premier jour par les membres de la tribu, assez près du lieu où déjà les vieilles femmes ont jeté dans la panella l'eau, les lianes et les objets inconnus dont Joao ne put ou ne voulut pas me dire le nom. Le second jour, le feu est plus considérable. Les exhalaisons qui s'échappent de la panella ont fait grandir le cercle. Quand vient le 3e jour, c'est un véritable brasier. Vers le soir, le feu s'éteint peu à peu. Les fumées vénéneuses se dissipent. L'ouvrage a réussi, le poison est bon et les vieilles femmes sont mortes. Chacun apporte son vase et prend une petite part qu'il emporte dans sa case. Le curare, en refroidissant, devient dur et consistant. Pour s'en servir, les Indiens le chauffent doucement et quand il est un peu ramolli, ils y trempent le bout de leurs flèches. Avant de partir, je voulais voir comment on s'en servait à la chasse. Nous allâmes avec Joao et Zanani, le plus jeune de mes modèles, qui avait oublié l'histoire des têtes coupées, faire une excursion dans les bois. Ils avaient une sarbacane longue de près de 12 pieds et un petit carquois qui paraissait être verni. Dans ce carquois, il y avait une douzaine de petits morceaux de bois très dur, bien effilés par l'un des bouts, garnis de l'autre d'une pelote de coton. Nous suivions pas à pas un petit sentier coupé dans la forêt. Nous n'avions de place que tout juste ce qu'il en fallait pour nous glisser entre les plantes qui débordaient de chaque côté. Mes guides mirent leurs doigts sur leur bouche et nous quittâmes le sentier pour aller nous asseoir ou plutôt nous coucher sous un grand arbre dont les branches, en retombant jusqu'à terre, avaient poussé d'autres rejetons qui s'étaient replantés, formant ainsi une petite forêt où les lianes, qui s'épandaient de tous côtés, nous enfermaient dans des milliers de réseaux. Le jeune Indien se mit debout contre le tronc de l'arbre, en prenant le soin d'élever sa sarbacane et de l'assujettir entre les branches basses, car sa longueur démesurée eût empêché les mouvements qu'il avait à faire s'il avait dû la tenir à bras tendus. Nous restâmes silencieux pendant une demi-heure, et notre silence n'était interrompu que par de petits sifflements que faisait l'Indien, toujours immobile. Il entendit probablement quelque chose d'intéressant, car il fit un léger mouvement et nous regarda d'un air que comprit Joao. Un instant après, je vis s'élancer d'un arbre voisin un joli singe tout rouge de l'espèce Miko. Celui-ci fut suivi d'un autre et ainsi de suite jusqu'à 7. L'Indien Zanani souffla, et un des singes se porta vivement la main à la poitrine, à la tête, à la cuisse, se gratta à chacun de ses endroits et tomba. Tous, jusqu'au dernier, eurent le même sort en moins de 10 minutes, et sans qu'un seul bruit se fût fait entendre.